Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous qui nous écoutez sur Radioactive 94.7 et le 93 FM dans le MAG, l'émission qui vous propose de découvrir la vie locale à travers notamment des nouveautés. Et aujourd'hui, nous allons du côté de Montlouis avec une nouveauté qui n'en est plus trop une puisque ça fait maintenant quelques mois que c'est en route. Mais aujourd'hui, je reçois Mélanie Berger dans notre studio. Mélanie est coach bien-être spécialisée en nutrition et fondatrice du Mel Nutri Club. Elle a choisi de s'installer ici à Montlouis pour proposer un accompagnement accessible à tous ceux qui veulent se remettre en forme, retrouver de l'énergie ou mieux gérer leur poids. Son club, c'est le deuxième du genre en Touraine et Mélanie y propose un vrai suivi personnalisé, évaluation physique, conseil nutritionnel, atelier accompagnement mental, le tout dans une ambiance bienveillante et ce qui fait la force aussi de ce club, loin des diktats des régimes. Elle est donc avec moi pour en parler aujourd'hui, pour nous parler de son parcours, de sa philosophie et de ce qu'elle propose concrètement dans le Mel Nutri Club. Bonjour Mélanie. Bonjour Marlène, merci de m'avoir reçue. Eh bien, avec grand plaisir, on va avouer à nos auditeurs qu'on se connaît quand même depuis quelques années maintenant, petites années, mais on n'a pas vieilli, on n'a pas changé, c'est le côté chouette. Et Mélanie aujourd'hui qui est venue en compagnie de Cathy, membre du club. Bonjour Cathy. Bonjour Marlène. Alors Cathy, prête à apporter votre témoignage aujourd'hui? Oui, oui, oui, oui. Donc on va d'abord apprendre à connaître un petit peu le Nutri Club et ensuite on vous demandera ce qui vous a apporté. Alors Mélanie, d'abord pourquoi avoir choisi Montlouis pour ouvrir ce club? Eh bien écoute, tout simplement parce que déjà je suis de la région et en fait j'ai démarré mon activité dans un petit club à côté de chez nous. Et donc le but c'était d'ouvrir mon club et mes parents sont sur Montlouis depuis quelques années. Donc je voulais me rapprocher de Tours et tout simplement ils ont vu ce local et c'était un gros coup de cœur. Donc le bail s'est signé dans la foulée avec une ouverture donc le 3 janvier 2025. Qu'est-ce qui fait que tu as ouvert ce Nutri Club, Mélanie? Qu'est-ce que tu peux me raconter un petit peu la genèse et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cet espace? Eh bien, écoute, tout simplement, c'est que il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai fait un burn-out que je remercie et donc je me suis fait violence et donc j'ai fait un bilan de compétences et ce sont donc les métiers du bien-être qui en sont ressortis. C'était pas une surprise, en fait, c'était juste des peurs qui m'empêchaient d'avancer. Et donc, j'ai été invitée pour justement une évaluation bien-être par un inconnu grâce à un message cobaye. Et donc, c'est comme ça que mon aventure a démarré. Et voilà, j'ai su que c'était mon moment à moi. Tout était réuni dans ce que je recherchais depuis longtemps. Quelque chose qui était sous-jacent, mais qui du coup a fait éruption. Tout à fait. Ok, alors concrètement, quand on pousse la porte du club, comment ça se passe? Eh bien écoute, on démarre par une évaluation bien-être et un scan corporel qui est donc offert. Donc il faut prendre rendez-vous, il faut compter une petite heure et pendant ce moment, il y a un échange justement pour connaître les habitudes alimentaires des personnes et ils profitent justement de découvrir toutes leurs données personnelles, donc le poids bien évidemment, mais surtout la masse grasse, la masse musculaire, le taux d'hydratation, la graisse viscérale, l'âge métabolique, et ensuite j'interprète leurs données avec des slides pour qu'ils voient à peu près où ils se situent, et j'explique ce super concept qui est un concept unique. Et ensuite, s'ils ont des objectifs et qu'ils ont envie de démarrer, ils sont les bienvenus. Alors tu parles de bilan alimentaire, mais c'est uniquement ça, ou est-ce que tu leur demandes un petit peu leur hygiène de vie? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils sont plutôt sédentaires? Est-ce que tu vas creuser dans ces... Oui, oui, tout à fait. On creuse, c'est vraiment un moment de rencontre, de partage à ce moment-là, où justement on voit comment se passent les menus de la journée au niveau d'hydratation, d'activité sportive, et puis un petit peu plus au niveau de tout ce qui est émotionnel aussi, qui peut jouer beaucoup au niveau du poids. Donc l'aspect émotionnel, t'en parles Mélanie, parce qu'évidemment l'alimentation elle est souvent liée à l'émotionnel. Comment tu travailles avec les gens sur ce côté justement mental? Écoute, justement c'est que ce concept qui est vraiment unique parce qu'on n'est que 2 clubs en Touraine et on commence à être une petite quarantaine en France. Cet accompagnement se fait autour d'un moment de partage. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est pendant l'évaluation justement qu'on découvre ce beau concept. Donc voilà, il y a un accompagnement plus et forcément avec l'assiduité, toute cette bienveillance, toute cette confiance en fait qui est mise rapidement en place, il n'y a pas de jugement, cette cohésion de groupe fait que les membres quand ils sont au club, rapidement ils se sentent comme chez eux, Il y a vraiment des bonnes relations, ce qui permet justement de parler de ces problèmes. Souvent, les personnes, quand ils viennent au club avant d'aller au travail, il se peut qu'ils arrivent avec leurs soucis. Et le fait de partager un petit temps au club, ils repartent avec le sourire. Et ça, c'est ce que j'aime énormément dans ce travail. Ouais, c'est ce qui fait la singularité aussi de ton approche. Je vous propose qu'on profite de l'instant présent pour écouter un morceau de Quiproquo. Alors, comme vous le savez dans le mag, c'est l'invité qui choisit le morceau. Et là, Mélanie, elle s'est axée justement sur ce morceau parce que, en plus d'être sympa, c'est un groupe local. Et je les connais très bien. Voilà, donc on écoute Quiproquo. C'était Quiproquo sur Radioactive. Quiproquo qu'on salue, puisqu'évidemment, en tant que groupe local, on imagine qu'ils sont à l'écoute de Radioactive. et doit être bien content de s'y entendre. Nous reprenons donc la route de notre mag avec aujourd'hui Mélanie Berger qui, je le rappelle, est coach en bien-être spécialisée en nutrition et surtout fondatrice du Mel Nutri Club dont elle est venue nous parler aujourd'hui en compagnie de Cathy qui est membre du club et qui va pouvoir témoigner. Installée depuis maintenant 8 mois à Mont-Louis, et peut-être encore méconnue des Montlouisiens et autres auditeurs de notre territoire. Elle est venue aujourd'hui pour nous parler de ce Nutri-Club. Alors Mélanie, tu utilises pas mal d'outils de mesures corporelles, notamment au club. Est-ce que tu peux nous dire lesquels et comment tu t'en sers de tout cet attirail ? Eh bien écoute Marlène, on a forcément une balance professionnelle qui nous permet de faire des scans réguliers où justement les membres peuvent régulièrement découvrir leurs données personnelles, donc la masse grasse, la masse musculaire, le taux d'hydratation, la graisse viscérale. Ensuite, on utilise un mètre parce que toutes les 10 visites, on reprend les mensurations de nos membres au niveau du cou, de la poitrine, de la taille des hanches, des bras et des cuisses. Donc, ce qui permet justement après de faire un montage photo pour voir le avant-après, tout au long de l'évolution par rapport aux objectifs de chacun. Et on utilise aussi un grand tableau avec des ardoises et des paliers sur le mur par rapport aux reconnaissances, parce qu'on estime qu'on n'a pas assez de reconnaissance dans notre quotidien, dans notre vie. Et donc, au club, il y a beaucoup de reconnaissance. Donc voilà, et puis bah, bien évidemment le journal nutritionnel, c'est-à-dire que les membres, quand ils viennent au club, ils ont une obligation d'avoir rempli leur journal nutritionnel parce que c'est vraiment notre outil d'accompagnement, ce qui fait la force justement de ce concept où on peut contrôler si les assiettes sont bien équilibrées, s'ils ont bien leur hydratation, si une activité sportive qui a été mise en place au niveau du transit, et puis bah, justement au niveau émotionnel, ça permet de discuter de tout ça en profondeur. Et ce qui fait qu'il y a des résultats, justement, au fur et à mesure, c'est bien l'emploi d'une méthode reconnue, une méthode qui est utilisée notamment par différentes personnalités et notamment des personnalités sportives. Oui, effectivement, on a des belles références comme CR7, donc Cristiano Ronaldo, qui est sponsorisé et nourri avec la gamme de nutrition avec laquelle on travaille, qui est donc la gamme numéro 1 mondiale depuis plusieurs années, 45 ans. Et puis, il y a plein d'équipes de sport de haut niveau, hein, je ne vais pas tous les citer. Et surtout aussi, c'est qu'on a un médecin référent qui était donc Tourangeau, qui est maintenant parti dans le Pays Basque, qui a 75 ans. C'est anciennement Jacques Mani, qui était donc médecin sportif traumato à Tours. Et donc ça, c'est vraiment notre référence au niveau de la médecine. Est-ce qu'il y a parfois des freins psychologiques à se faire accompagner ? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore à franchir le pas ? Alors, bah, souvent, les gens se disent motivés, mais effectivement, ils ont peur du changement. Donc nous, on a une assiduité qui est très importante, d'où les résultats. Moi, ce que je leur dis, c'est à eux de voir, en fait, s'ils veulent rester dans ce mal-être dont ils m'ont parlé pendant l'évaluation, ou si justement, ils sont prêts à changer leurs habitudes pour avoir un mieux-être, tout simplement. Et c'est la motivation qui fait toutes ces différences quand ils regardent justement au niveau des données personnelles, hein, quand la masse grasse est très élevée, l'âge métabolique plus élevé que leur âge normal, ou tout simplement le poids. D'où cet échange, ça leur permet justement de franchir le pas. Et puis souvent aussi, c'est qu'ils ont des connaissances qui sont au club, donc ils ont vu aussi les résultats, donc ils viennent en toute confiance. Eh oui. Et quand on voit les photos sur Internet, on se dit quand même, ça marche. C'est ça. Et justement, c'est quoi les profils des personnes qui viennent te voir ? Alors aujourd'hui, tu es venue avec un échantillon, excusez-moi. Non pas que Cathy est un échantillon, mais très belle échantillon. Qui va pouvoir en témoigner. Mais justement, c'est plutôt des personnes qui vont aller vers cette envie de minceur, de gagner en vitalité, de retrouver leur côté sportif. Alors, j'ai essentiellement des actifs, mais aussi beaucoup de retraités. Et ça, c'était une vraie surprise. Ah ouais ? Ouais, énormément. Ah ouais ? Bah oui, tiens, oui. Ouais, c'est vrai. Et bah, des gens qui ont le temps, tout simplement, et puis, mais qui ont le temps, mais qui sont pressés d'aller au sport après. Mais sinon, la majorité des personnes que j'ai pour le moment au Mel Nutri Club, c'est des personnes qui recherchent une perte de poids, qui ont essayé plein de méthodes. Et soit elles ont réussi à en perdre, mais elles en ont malheureusement repris. Mais sinon, aussi des personnes qui viennent chercher de l'énergie. On peut aussi coacher des personnes en prise de masse musculaire. Bon, après, là, forcément, il faut qu'il y ait du sport plus. Mais de toute façon, toutes nos personnes, quand elles viennent chercher une perte de poids, eh bien, en même temps, elles gagnent en masse musculaire, elles gagnent en énergie, en qualité de sommeil, en qualité de réveil et en bien-être, en confiance. Enfin, voilà, c'est ça qui me fait vraiment vibrer aujourd'hui dans ce métier. Il y a peu de gens qui regrettent finalement d'avoir poussé la porte. Je ne pense pas. Bah justement, on va poser la question à Cathy, qui est donc membre du club. Ça fait combien de temps, Cathy, que vous avez démarré l'accompagnement avec Mélanie? Ça fait à peu près 10 mois. Comment vous avez eu connaissance de ce club à Mont-Louis? Alors, j'ai eu connaissance chez un commerçant. Il y avait une boîte à contact et j'ai complété un petit coupon. Voilà. Ah oui, tout simplement. Voilà, tout simplement. Comme quoi, une belle prospection de la part de Mélanie. Voilà. donc, pour cette idée. Et vous aviez quelle attente quand vous êtes arrivée là-bas? Alors, c'était compliqué. J'avais une attente déjà de perdre du poids. D'accord. Et de retrouver aussi un bien-être en confiance, en énergie, en sommeil, et voilà. Et la motivation première, c'était le poids? Oui, c'était le poids. D'accord. Parce que j'avais pris vraiment beaucoup de poids pendant une année pour moi très, très, très difficile. On en revient au côté émotionnel lié à l'alimentation. Voilà, j'ai perdu mon mari d'une maladie et voilà. Et j'ai pris et je me suis laissée un petit peu aller. Et j'ai, à un moment, quand j'ai vu un certain chiffre sur la balance, j'ai dit stop. Donc, j'ai cherché à connaître une méthode qui fonctionnait, quoi. Voilà. Et alors, ça vous a apporté quoi aujourd'hui avec le recul, hein? Avec le recul, ça m'a apporté de nouveau vraiment une confiance, le sourire revenu, le sommeil aussi revenu, une énergie aussi et surtout le plaisir de venir dans ce club parce qu'on rencontre vraiment des belles personnes et je peux dire presque aujourd'hui que je me suis fait quelques amis. C'est un mot fort, peut-être, mais je viens vraiment avec le plaisir et si je n'y viens pas, ça me manque. C'est franchement, vrai. Oui. Voilà. Ah ouais, alors justement, c'est ce qui pose la question aussi de la suite, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un objectif et qu'il est atteint, vous allez arrêter de venir voir Mélanie ou vous allez quand même continuer Si je vous disais, moi je suis retraitée et je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Donc je peux avoir atteint mon objectif, mais je pense que je suis encore là pour un petit moment. On y trouve plus que du bien-être physique. Oui. Hein. On y trouve plus que du bien-être physique. On y trouve déjà la discussion avec les membres, et puis d'échanger, puis de voir surtout aussi qu'on n'est pas les seuls à avoir des problématiques personnelles. Il y a plein de personnes qui rentrent le moral en berne, mais qui en ressortent avec un grand sourire. Et ça, ça vaut tout l'or du monde, je pense. Voilà. C'est presque une psychothérapie, Mélanie. Tu vas bien au-delà, finalement, ça, c'est sûr. Je le dis haut et fort, elle va au-delà de tout ça. Mais après, il faut effectivement donner sa confiance, c'est une chose, mais il faut rester dans l'honnêteté, il faut rester dans tout ça. Et je pense que il n'y a pas de problème quand on reste soi-même, surtout. Mm-hmm. Voilà. Alors, tout à l'heure, on évoquait la peur du changement, mais finalement, ce changement-là, vous, Cathy, vous l'avez opéré. Et c'est si compliqué que ça, de changer? Non. Non? Non. En fait, non. C'est pas compliqué. C'est un concept que l'on connaît dès que l'on arrive parce qu'on nous l'explique. Et il faut surtout rester dans ce concept, ne pas dévier trop. Bon, alors après, effectivement, on prend des habitudes, ça ne nous empêche pas de vivre, de faire des petits écarts, des petites choses. Et puis, on sait comment faire. Et il faut respecter le concept de ce club. Voilà, c'est quelque chose à... Je ne sais pas comment expliquer réellement. Oui, en gros, ce n'est pas parce qu'on adhère au Mel Nutri Club que fini les bons repas entre amis, non, apéro. tout à fait. Je suis souvent sollicitée et je vais au restaurant, je vais prendre l'apéro chez des amis et voilà. Et non, c'est sûr. Après, on sait comment faire pour, pour régulariser notre... payer la dette. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a une erreur fréquente, Mélanie, je me retourne de nouveau vers toi, mais que tu constates chez les gens dans leur rapport à l'alimentation? Alors, je dirais qu'il y a parfois des repas qui sont sautés, même le soir, pensant faire bien, et que ça, c'est la bêtise. Bien évidemment, la mauvaise hydratation, un manque de protéines, et puis une sédentarité. Mais après, c'est vrai que l'équation gagnante, c'est 80% la nutrition, 20% l'activité sportive, et 100% motivation et zéro excuse, quoi. Oui, c'est pas mal à se noter. Et alors, si tu avais un petit conseil simple à appliquer dès aujourd'hui pour commencer à se sentir mieux pour nos auditeurs, en dehors du fait de venir te rencontrer et d'adhérer évidemment au programme et de l'accompagnement que tu peux proposer, mais qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Eh bien, effectivement, Cathy a tout dit. Mais déjà, oui, venir me voir parce que oui, c'est une évaluation qui est donc offerte. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Et puis, il n'y a aucun engagement. Et le changement, ce n'est pas compliqué. Et les gens seraient vraiment très surpris parce qu'au final, ils mangent plus, ils mangent mieux. Et rapidement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça ne coûte rien d'essayer, en tout cas. Et bienvenue. Très bien. Comment on fait pour te retrouver ? Est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on va directement pousser la porte du Mail Nutri Club ? Et auquel cas, à quel moment peut-on te rencontrer ? Alors, le club est ouvert donc de 7h à 11h par rapport à cet accompagnement. Mais les gens peuvent venir pousser la porte pour prendre rendez-vous, voir un petit peu comment ça se passe. Et donc, à partir de 11h, sur rendez-vous pour les évaluations offertes. Donc, du lundi au samedi, il n'y a que le dimanche que le club est fermé. Et bien évidemment, sur les réseaux, Insta, Facebook. J'ai aussi ma page Google. Voilà, tout simplement. Ok. Pour tous les Montlouisiens qui l'ignoraient, voilà l'actualité du moment, une actualité qui a quelques mois maintenant, mais on a eu du mal à trouver un rendez-vous, il faut l'avouer, pour parler de ce Nutri-Club qui s'est installé à Montlouis-sur-Loire depuis le mois de janvier. C'est quoi l'adresse exacte ? Donc c'est 10 avenue Appenweier. Je suis donc au Coteau, juste à côté de la librairie Les Yeux d'Or et de Chris, l'opticien. Très bien. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi, Marlène. Et puis, au plaisir de se revoir. Et merci beaucoup. Merci à toi aussi, Cathy. Parce oui, que merci, Cathy. Un beau témoignage. Voilà. Un petit mot, éventuellement, Cathy, pour les auditeurs. Eh bien, il faut venir pousser la porte parce qu'on en ressort avec un réel plaisir. Un vrai et un réel plaisir. Donc, même si on n'a pas atteint tous nos objectifs, on retrouve vraiment une énergie et un équilibre parfait. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux. C'est la fin de ce mag. Vous pourrez le réécouter en podcast sur la page Facebook Radioactive, mais aussi sur le site internet radioactivefm.fr. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien à l'écoute des programmes sur Radioactive. Et allez, on va se faire plaisir en terminant cette émission avec Aimé Simone, notre choix de Mélanie, avec le titre Everything Changing sur Radioactive. I don't need to cry no longer. I don't need to die for this. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.